Chapitre 15. Comment Mark Penrith prendra-t-il le mariage de son frère? Telle était la question que chacun s'adressait à Camelot, petit village situé sur le coteau, dans un pli de terrain au-delà du pont. Aux yeux du voyageur habitué aux cités populeuses, Camelot n'était qu'un misérable petit trou. Mais pour les gens du pays, c'était un monde en petit, avec toutes ses passions et ses tourmentes. Mark passait une partie de son existence à Camelot, plus à portée des ardoisières que Penrith Place. Après être resté tard plongé sur ses livres de contes, il préférait passer la nuit au village, où il y avait une bonne taverne, plutôt que de traverser la lande pour aller coucher au château. Ses seuls vrais amis, du reste, étaient de Camelot. Il avait bien quelques relations à Launceston, mais c'était trop loin. Ses amis étaient l'élite de Camelot. Tous les soirs, ils s'assemblaient à la taverne des Armes du Roi. Aussi étaient-ils tellement habitués à être ensemble qu'ils se comprenaient au moindre signe, ou au moyen de phrases à moitié finies et dans un argot qui eût été incompréhensible à tout autre. Du reste, entre eux, pas d'effusion, pas même de poignée de main. Il est vrai de dire, néanmoins, que si l'un d'eux eût été enlevé, tous auraient vivement ressenti cette perte et aucun nouveau venu n'eût été appelé à occuper la place de l'absent. Pour être vu d'un bon œil à Camelot, il fallait y avoir de profondes racines. Peu importait la valeur qu'avait pu avoir votre grand-père ou votre père, quand même ils auraient été des gredins, et quand même vous leur eussiez ressemblé, la sympathie générale vous était acquise par le seul fait que vos ascendants étaient des indigènes de Camelot. Dans ce petit pays, les vices, pourvu qu'ils fussent du cru, jouissaient d'une indulgence exceptionnelle. Mark Penrith était très populaire à Camelot. Tout le monde le connaissait. Les gens, dans la force de l'âge, se le rappelaient tout enfant, et même les vieillards se souvenaient de son père et de son grand-père. Il ne s'absentait jamais longtemps et semblait faire partie du village, comme l'horloge sur la place du marché ou l'enseigne des Armes du Roi au-dessus de la porte de la taverne. Cela aurait suffi pour assurer sa popularité. Mais on se l'expliquera encore mieux lorsqu'on saura que Mark était généreux, excellent cavalier, bon juge de chevaux et de chiens, et qu'au jeu de billard et de boules, il avait une supériorité réelle sur tous ceux qui se mesuraient avec lui. Ses talents le recommandaient à la sympathie du public, et on pensait généralement que le titre de squire eût été beaucoup mieux porté par lui que par le taciturne et grave Vivien. À mesure que les années s'écoulaient, il semblait de plus en plus probable que Vivien mourrait célibataire, laissant à Mark toute sa fortune. On entrevoyait qu'il y aurait alors à Camelot un millénium, pendant lequel les habitants jouiraient de toutes sortes de délices. Mais comme Mark avait seulement 7 ans de moins que son frère, cela n'eût pas laissé une grande marge au millénium, si on ne se fût flatté que Vivien ne ferait pas de vieux os, comme on dit vulgairement, et que Mark allait devenir bientôt propriétaire des ardoisières, du château, du parc, des chevaux, des chiens et du reste. Mais le fait du mariage de Vivien avec une jeune femme réduisait à zéro les chances de la fortune de Mark. Le lendemain du jour où les nouveaux époux étaient arrivés à Penrith Place, il faisait une chaleur accablante, on était au mois de juillet, à peine pouvait-on respirer. Assis devant la terrasse, à l'enseigne si connue des Armes du Roi, sont attablés Marton, avocat, Décote, chirurgien et médecin de la localité. Il a succédé à son père par le droit imprescriptible de l'hérédité, guérissant ou tuant les gens, non parce qu'il est savant ou ignorant, mais parce qu'il est le fils de son père. Joseph Nichols, vétérinaire, comme on l'est de père en fils dans sa famille depuis un temps immémorial. À la porte de la taverne, moitié dehors, moitié dedans, se tient Guillaume Lanhern, propriétaire de l'établissement. Il jouit d'une importance réelle dans le village, où il représente le parti conservateur sous la forme la plus obstinée. C'est lui qui a combattu le plus vivement le projet d'un tracé de chemin de fer passant dans le voisinage de Camelot. C'est lui qui s'est opposé à la construction d'une chapelle réclamée en vue d'éviter aux gens de faire une course de plusieurs milles pour se rendre à l'église paroissiale. C'est lui qui a repoussé l'installation de becs de gaz. C'est lui qui hausse les épaules en parlant du workhouse. Du temps de son père, on vivait bien sans toutes ces innovations. « On ne m'ôtera pas de l'esprit qu'il savait tout depuis 6 mois, » dit Lanhern, en continuant une conversation sur Mark Penrith. « Ce n'est pas d'hier que je m'aperçois qu'il a du souci, dame. La déception de se voir ainsi frustré de toutes ses espérances. » « Ne pensez-vous pas, » dit Nichols en se retournant, « qu'il a autre chose ou plutôt quelque autre personne, ajouta-t-il en désignant d'un signe de tête une rue qui montait. « Ah, pas du tout !» s'écrie l'hôtelier. « C'est une vieille histoire maintenant. »« Sans doute. Mais si quelque jour le squire est mis au courant de la situation, il rompra avec son frère. » « Je ne vois pas pourquoi, » répond l'avocat d'un ton sentencieux. « Cela ne le regarde pas. Si Mark l'avait épousé, à la bonne heure, on comprendrait que son frère aîné lui coupa les vivres. « Ah !» répond l'hôtelier, « ça serait fâcheux pour Mark. Côteleuse comme elle l'est, je ne doute pas qu'elle fût arrivée à ses fins si elle eût voulu devenir Madame Penrith par devant notaire. Je suppose qu'elle n'y tenait pas. « Depuis son départ, vous n'avez pas eu une servante comparable, » dit un des interlocuteurs à Lanherne. « La maison a perdu la moitié de son animation. »« Ah, c'était une fine lame, » reprend l'hôtelier, vive, accorte et la langue bien pendue. « Hein ? Mais un caractère infernal, diabolique. Ah, vrai, je n'en vis pas le sort de Mark. » « Il lui semble très sérieusement attaché, » reprend l'avocat, « car voilà 10 ans que cela dure. Il est vraiment étrange que le squire ne s'en soit jamais douté. Que vous êtes naïf, Morton. Le squire en sait là-dessus autant que vous et moi. Mais il ne croit pas avoir le droit de s'en mêler et il ferme les yeux. Mark est un homme d'affaires des plus fins, c'est tout ce qui importe à son frère. Pauvre Mark. Ah, c'est bien à lui qu'on peut appliquer le proverbe. Comme on fait son lit, on se couche. Jamais elle ne le lâchera, jamais, jamais. » Les 4 individus en question secouent la tête, froncent le sourcil et envoient de longues bouffées de fumée aux 4 vents du ciel. Le soleil se couche derrière le vallon sur lequel s'élève l'unique maison dont Camelot eut le droit d'être fier. Les étoiles se montrent une à une, puis bientôt innombrables sur la voûte céleste. C'était l'heure de se renfermer entre 4 murs pour jouer au billard. Mark, arrivé depuis un moment seulement, se joint à Martin, Dicot et à Joe. On fit d'interminables parties et des carambolages à perte de vue, causant peu, mais en revanche buvant force grog, où il entrait plus d'eau de vie que d'eau pure. Au bout d'une heure et demie, Mark dit à ses partenaires, qui ne pouvant gagner, lui demandaient sans cesse leur revanche. « Allons, c'est assez pour ce soir. Remettons la partie à demain. » Puis il avale à la hâte un dernier verre de grog et disparaît. Il prend un chemin qu'il semble bien connaître, et se dirige à l'allure des étoiles vers un cottage situé à mi-côte, à la jonction de 2 routes. L'une des fenêtres projette la faible lueur d'une lampe allumée. Il continue à marcher jusqu'à la grille, l'ouvre comme quelqu'un qui entre chez lui, referme rapidement la porte, monte l'escalier et entre dans la pièce où il y avait de la lumière. Plus tard encore que de coutume est toujours imprégné des vapeurs de la taverne, s'écrie en guise de salutation la personne qui occupe cette chambre. C'est un accueil peu engageant. Mais M. Penrith semble avoir l'habitude de tenir tête à ses bourrasques. Il se jette sur un sofa foncièrement usé. Les ressorts cèdent si bien sous le poids de Mark Penrith qu'il a l'air de tomber dans le vide. Il s'empare avec vivacité des coussins posés sur ce sofa, les froisse, les jette les uns contre les autres comme un dérivatif à sa mauvaise humeur. « De grâce, n'abîmez pas ainsi mes coussins, Mark !» dit la personne qui vient de l'apostropher avec tant d'âpreté et d'une voix si aigre qu'elle doit faire aux oreilles de Mark l'effet d'une pomme verte sous la dent. Mais cette voix est celle d'une femme au visage d'une fraîcheur éblouissante. Son noir sourcil, son grand œil de feu ont une expression singulière. Son front élevé dénote une nature altière et jalouse. Ses cheveux fins et noirs s'enroulent en tresses soyeuses. Ses mains et ses pieds sont petits et bien faits. C'est une jolie femme dans toute l'acception du mot, et de plus une femme coquette qui sait tout le pouvoir de ses charmes et qui a foi dans le droit divin de la beauté. Mark prit tout son temps pour formuler sa réponse pendant que Mme Peters ferme sa boîte à ouvrage avec un mouvement d'impatience bien marqué. « J'ai fait plusieurs parties de billard. J'ai avalé plusieurs verres de grog. J'ai fumé plusieurs pipes. Y a-t-il en vérité de quoi jeter les hauts cris et m'invectiver comme vous le faites ? Vous auriez dû revenir ici hier soir. Cela ne m'était pas possible. Je ne voulais pas me dispenser de souhaiter la bienvenue à Vivien et à sa femme. Eh bien, comment est-elle ? D'une beauté remarquable, si son visage n'attestait pas la souffrance. Ce sont les remords de sa conscience qui auront altéré sa santé. On n'épouse pas impunément un vieillard qu'on ne peut aimer. Elle a, à mes yeux, l'immense tort de s'être mise entre mes enfants et leurs droits. Aussi, je la déteste. Ah, si on savait ce que c'est que la haine d'une femme, si je pouvais entrer chez elle. J'aurai mon tour. Dussé-je l'attendre 10 ans ? Mariette, vous oubliez la parole que vous m'avez donnée. Ah oui ? Repart-elle sur le ton de l'ironie. La promesse de rester muette comme un coffre, tant que vous ne vous déciderez pas à me donner le droit de parler. Mais que vous importe les mortifications dont je suis abreuvé tous les jours ? Qui vous a jamais témoigné aucun mépris ? Qui vous a jamais adressé un mot offensant ? Je ne fais pas allusion à ce qu'on dit, mais à ce qu'on pense. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce qu'on pense ? N'avez-vous pas tout ce qui fait la vie douce et agréable ? Jolie maison, domestique, toilette, voiture, au besoin ? Dites-moi, aviez-vous tout cela à votre disposition quand vous étiez servante à la taverne des armes du roi ? On m'appréciait alors à ma juste valeur. Votre juste valeur ? Répète Marc avec un dédain méprisant et ironique. C'est-à-dire que jamais jolie fille ne vous a surpassé en agacerie et en hardiesse. Soyez juste, Marc. Vous ne pouvez nier que vous êtes le premier et le seul que j'ai jamais consenti à suivre dans les sentiers fleuris où vous aimiez à m'entraîner. Marc soupire. Hélas, il se souvient des promenades qu'il a faites pour la première fois, il y a 11 ans, avec la jolie servante de la taverne des armes du roi. Il se souvient des compliments qu'il lui avait adressés sur ses yeux, son nez, sa jolie bouche. Il se souvient, hélas, comment les compliments avaient dégénéré en baisers, les baisers en promesses, jusqu'à une fatale promesse qui, depuis lors, avait toujours pesé sur Marc comme un fardeau et une tâche. Mariette avait cru surmonter toutes les difficultés en quittant le pays pendant quelque temps, puis elle revint s'installer dans un joli cottage bien meublé. Elle dit à ses connaissances qu'elle était restée quelque temps à Plymouth, et que là, elle avait épousé un voyageur de commerce. Puis à ses amis, elle présenta un baby rose dans une barcelonnette recouverte de cachemire rose, une perle dans un écrin. Ce monsieur Peters voyageait sans doute comme le vent, car personne ne put jamais l'apercevoir lors des visites qu'il était censé faire à sa femme. Deux babies succédèrent à l'aîné, tous trois étaient beaux comme l'amour. « Mon mari est très sauvage, » dit un jour Madame Peters à Madame Plumtree du Lion d'Or. « Ah oui !» s'écria Plumtree. Lorsque sa femme lui rapporta ce propos. Si sauvage, en effet, que personne ne l'a jamais vu. Voilà un gaillard qui sait se rendre invisible. Un de mes amis qui habite Plymouth m'a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler de ce nom-là. Si vous demandiez à Mme Peters de vous montrer son acte de mariage, vous la mettriez, je crois, dans un furieux embarras. Qu'ai-je besoin de preuves ? Je la crois sur parole. C'est ainsi qu'on est souvent dupe, répondit-il. Mme Peters me fait l'effet de ces oiseaux qui s'imagine que personne ne les voit quand ils se cachent la tête dans le sable. Peters, le commis voyageur, n'est autre que Mark Penrith. Tout le monde sait cela, à Camelot, comme on sait que l'horloge y est de 20 minutes en retard sur l'heure de Londres. D'aucuns prétendent qu'ils sont mariés, mais Mark, si insensé qu'il soit, n'est pas capable de faire une folie pareille. Telle était généralement l'opinion exprimée sur Mme Peters quand il était question d'elle à Camelot. Elle ne se faisait pas d'illusions à ce sujet, et elle en éprouvait un violent dépit. Comment vont les enfants ? Dit Marc. Ils vont assez bien, Dieu merci. Pauvres innocents, ils ne se doutent pas que leur oncle est marié, et que ce mariage ruine toute espérance de les voir en possession d'une des plus grandes fortunes de Cornouailles. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, ce me semble. Eh bien, je le prends, moi, car je ne puis faire si généreusement le sacrifice de mes espérances, pour ne pas dire plus. Qui sait ? Si dans un an un héritier ne sera pas né à Vivien Penrith, pourquoi, en définitive, dissimulerai-je plus longtemps la vérité ? Si vous vous amusez, Marc, moi je m'ennuie. Que Dieu vous garde de parler, car si vous faites une telle folie, je perdrai immédiatement ma position de directeur des ardoisières. Les enfants apprendront un jour la vérité, et ce sera pour eux un coup de massue. Enfin. Mais au moins, Marc, mettez-moi au courant de vos affaires, je ne puis me résoudre à n'être qu'un zéro. Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. Je ne suis guère moins contrarié que vous de ce malencontre mariage. Ce serait peut-être le moment d'apprendre à votre frère notre position. Son mariage le rendrait peut-être plus traitable. Je ne le lui dirai jamais, Mariette. Vous m'avez promis de garder le secret tant que Vivien vivra. Sachez que si vous tentez de me pousser à bout, je me jetterai à la mer pour noyer mes chagrins et en finir avec l'existence.